Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» Tu répondras, « Non. » Jaël, femme d'Héber, saisit un pieu de la tente, prit ta main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisra, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et voici Sisra était étendu, mort, les pieux dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Amen. Nous allons partager quatre grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, nous devons savoir que nous combattons contre des ennemis qui sont bien armés et organisés. Nous voyons ici, il y a deux éléments importants que nous devons savoir concernant nos ennemis. D'abord, c'est lorsque nous désobéissons à Dieu que nos ennemis ont le dessus sur nous. Il est dit au verset 1, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Ehud fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatson. » Vous voyez, lorsque tu désobéis, l'ennemi a le dessus sur toi. Il est dit souvent dans le livre des juges, l'Éternel l'est vendu, bien-aimé. Le péché nous vend à l'ennemi. Pourquoi continues-tu au mensonge? Pourquoi continues-tu avec les mensonges, l'immoralité sexuelle? Pourquoi continues-tu encore à adorer des idoles? Est-ce que tu sais que tu te vends à l'ennemi? Nous devons aussi savoir que nos ennemis sont organisés. Nous voyons ici Sisera, Jabin incarne l'organisation de l'ennemi. Jabin, le roi de Canaan, c'était celui qui combattait contre les enfants d'Israël. Et son chef d'armée était Sisera. Ça nous fait penser à ce que la Bible nous dit. Nous combattons contre les dominations, les autorités, le prince du monde des ténèbres. Deuxième vérité, Dieu peut se servir du leadership féminin pour libérer un peuple. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui méprisent les femmes. Écoutez-moi bien, ne négligeons pas les femmes. Que ce soit sur le plan spirituel, c'est-à-dire au niveau de l'Église, Dieu peut utiliser les femmes. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan administratif. Il y a des femmes qui sont compétentes, que Dieu peut susciter pour accomplir de grandes choses. Regardez ici, il y a deux informations importantes concernant Déborah. Il y en a même trois. D'abord, Déborah était prophétesse. Cela veut dire que c'était un leader spirituel. Ce débat dans nos églises en disant la femme ne peut pas faire ceci, la femme ne peut pas faire cela, parfois nous limitons Dieu, nous voulons étouffer l'Esprit de Dieu. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire dans une dimension que lui-même a déjà choisie. Déborah était prophétesse. Deuxièmement, elle était juge. C'était une fonction politique et à la fois judiciaire. Donc pendant ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Ceux qui dirigeaient le pays, on les appelait des juges. C'était des libérateurs. Donc Déborah était cette femme-là qui occupait cette fonction de magistrat suprême, l'équivalent même de chef d'État, l'équivalent de premier ministre, l'équivalent de tout ce que nous connaissons aujourd'hui sur les plans politiques et administratifs. Donc vous voyez, les femmes peuvent jouer même ce rôle-là. Je vais parler à une femme. Pourquoi te méprises-tu? Est-ce que tu sais que le Seigneur peut te susciter même pour relever une grande entreprise? Je vais parler à une femme. Le Seigneur veut t'amener dans une dimension internationale. Ne néglige pas les dons que Dieu a mis en toi. Il faut que tu les exploites. Même si les gens cherchent à t'écraser, ils cherchent à te mépriser. Mais sache exploiter ce que Dieu a mis en toi, comme ce qu'il a mis dans la vie de Déborah. Tu es le Déborah de ces temps-ci que Dieu suscite pour accomplir de grandes choses. Lève-toi et prends courage. Troisième vérité, nous voyons quelques caractéristiques d'un bon leader. Un bon leader ici doit apprendre à compter sur Dieu et il doit être courageux. Nous trouvons ces caractéristiques chez Déborah. Déborah, elle savait compter sur Dieu. Vous voyez, chaque fois elle dit, c'est l'Éternel qui livre entre tes mains. Écoutez ce qu'elle dit ici. Au verset 6, et l'envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Combien sont ces chefs qui peuvent encore dire, voici ce que Dieu a dit? Pour que quelqu'un dise cela, cela veut dire que c'est une personne qui était en relation avec Dieu. Je vais parler à un frère. Tu es peut-être commandant de l'armée. Tu es peut-être député. Tu es peut-être gouverneur d'un district. Tu es peut-être ministre. Est-ce que tu écoutes encore Dieu dans les décisions que tu prends? Tu dois apprendre à t'humilier pour que tu dises, voici ce que Dieu dit. Un bon leader, c'est s'appuyer sur Dieu. Il ne compte pas sur ses relations, sur son argent, sur son armée. Non, mais d'abord sur Dieu. Deuxièmement, c'est un homme courageux. Nous voyons ici l'exemple d'une femme. Pendant que les hommes étaient peureux, ça doit nous interpeller. Nous voyons ici Barak qui était comme le chef de l'armée. Il avait peur d'aller au combat. Et Déborah, elle était courageuse. Verset 8, Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi. » Mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livre Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva. Elle se rendit avec Barak à Kedesh. Il faut du courage. Lorsque tu es leader, il faut du courage. Tu dois parfois prendre des risques. Et surtout, si tu marches avec Dieu, tu sais que Dieu te donnera la victoire. Quatrième vérité, les alliances humaines sont fragiles. Lorsque tu te confies aux hommes, lorsque tu cherches un refuge aux hommes, tu peux être déçu. C'était le cas de Sisera. Il est dit au verset 17, « Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabez, roi de Hatsor, et la maison de Héber, le Kénien. » À cause de cette alliance de paix qui existait entre les deux maisons, Sisera s'est dit, « Si je pars me réfugier, chez Jaël, je serai en sécurité. » Malheureusement, nous voyons que c'est le contraire qui arriva. Cette femme Jaël-là, c'est elle-même qui l'a enfoncé, qui l'a tué. C'est elle-même qui l'a tué. Il est dit au verset 21, « Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pied qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. » La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mon ami, les hommes peuvent te décevoir. Il y a même des gens avec qui tu peux signer des papiers. Mais demain, ils peuvent ne pas les reconnaître. Parfois, c'est Dieu qui nous interpelle pour nous montrer que les hommes peuvent nous décevoir. Mais seul Jésus ne peut pas nous décevoir. Confie-toi donc en Jésus-Christ. Parce que son alliance, c'est une alliance solide. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer en chantant ce cantique. Alléluia. Élevons nos voix ensemble. Bénissons l'Éternel pour sa bonté et pour son secours. Au nom de Jésus. Amen. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Juges, chapitre 4, 1 à 24. Nous sommes dans notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Nous venons de voir dans ce passage que Dieu peut se servir de leadership féminin. Aujourd'hui, il y a encore des sociétés où les femmes sont marginalisées, que ce soit dans l'église, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la politique. Nous allons prier l'Éternel afin qu'il suscite encore des femmes, des leaders, de la trempe de Déborah pour accomplir de grandes choses. Et nous allons prier pour des femmes peut-être qui sont encore écrasées, mais en qui Dieu a déposé des talents afin que réellement la société reconnaisse ces femmes, afin qu'elles occupent le poste que Dieu leur a destiné au nom de Jésus-Christ pour la libération de nos nations, de notre peuple, même de l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Tu as fait de grandes choses dans notre vie. Lorsque nous regardons en arrière, nous nous rendons compte que si ça n'avait pas été toi, nos ennemis nous auraient broyés. Si ça n'avait pas été ton amour, nous n'aurions pas été délivrés des griffes sataniques, des liens de la mort, des puissances des ténèbres. C'est pourquoi chaque matin, nous exprimons notre reconnaissance pour ces hauts faits dans notre vie. Nous prions, Père, sur la base de la grande commission de ton Fils qui nous a demandé d'aller partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Et nous prions, ô Père éternel, contre toute forme de discrimination dans l'annonce de cette bonne nouvelle. Nous prions, Père, et nous demandons que tous ceux que tu as appelés, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, soient équipés, soient fortifiés, soient capacités et soient envoyés comme tu le fais et comme tu l'as toujours fait. Nous prions contre toute forme de discrimination et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que celles que tu as appelées soient reconnues, leur ministère soit reconnu et que leur contribution soit grande comme tu l'as toujours fait dans le passé. Nous prions au Père éternel pour l'évolution. Nous prions pour la contribution efficace de nos sœurs dans l'avancement de ton œuvre. Nous prions contre toute forme de discrimination et nous demandons, Père éternel, que nos sœurs que tu as appelées, que leurs talents soient véritablement exprimés dans nos communautés et qu'elles soient reconnues et qu'elles contribuent équitablement à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir quelques caractéristiques d'un bon leader. Il doit apprendre à compter sur Dieu il doit être courageux. Nous allons prier pour nos leaders, afin qu'ils apprennent à compter sur Dieu, comme Déborah, afin qu'ils soient des leaders courageux et que Dieu les libère de toute peur, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Toi la gloire ce matin, l'honneur ce matin, l'élévation ce matin, la puissance ce matin. Nous nous inclinons devant ta gloire. Levons les mains pour reconnaître le seul et l'unique qui a pouvoir sur nos vies. Qui dit et la chose arrive, qui ordonne et la chose vient à l'existence. Nous voulons te prier ce matin. Afin que tu suscites des leaders courageux, des leaders persévérants, des leaders endurants, des leaders qui ont la foi, des leaders qui ne reculent devant l'adversité, des leaders qui ne comptent que sur toi seul et non pas sur leur expérience, sur leur argent, sur leur beau parler, des leaders qui comptent sur ta parole. Sur le nom de Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit, des leaders qui avancent, quelle que soit la furia du diable, l'avancée du diable, comme David devant Goliath. Nous voulons que ces hommes soient suscités dans nos familles, dans nos églises, dans nos ministères, dans ces pays. Alléluia. Louange à toi, Seigneur, parce que c'est ces hommes-là sur qui tu peux compter. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que les hommes peuvent nous décevoir. Mieux vaut se réfugier en Dieu que se réfugier entre les mains des hommes. Prions le Seigneur, afin que nous puissions toujours chercher refuge en lui, en toutes circonstances, et compter sur son secours. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous reconnaissons que tu es Dieu, tu demeures Dieu et en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es l'unique, tu t'appelles Je suis, tu es Jéhovah Jireh. C'est toi qui suscites des hommes pétris de talent. C'est toi qui accordes la sagesse, l'intelligence. C'est toi qui équipes les hommes et tu les suscites comme Déborah, comme des leaders, de véritables leaders. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, parce que tu as suscité Moïse en son temps. Moïse n'a fait que suivre tes prescriptions. Il n'a été qu'un canal entre tes mains. Tu as suscité en son temps Job. Job a été fidèle malgré les fléaux, malgré les attentats, les morts, malgré la persécution, malgré les maladies. Il a été fidèle. Merci parce que c'était un véritable leader. Merci parce que tu as aussi suscité Joseph qui a été un leader au milieu de sa génération. Père, tu continues de le faire. En son temps, tu as suscité notre maître Jésus, le leader par excellence, le maître par excellence, le sauveur par excellence, le Seigneur par excellence, le Dieu bon, grand, tout-puissant par excellence. Béni sois-tu, parce que de nos jours aussi, tu suscites des hommes qui te craignent comme leader, des hommes qui ne font que ta volonté, qui marchent dans la foi, qui marchent, oui, qui profitent de la parole de Dieu, qui mettent la prière et le jeûne en marche et qui recherchent toujours les bienfaits de l'autre, de l'autrui, afin que des hommes soient grands à la gloire de ton nom. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous aurons le dimanche 29 mai notre rencontre bonheur conjugal pour les célibataires. Nous allons poursuivre les thèmes de la fois dernière. La persévérance qui conduit à la victoire. Cet enseignement est important pour t'aider à savoir comment posséder ton mariage, comment persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation du projet. L'entrée est libre. Nous serons toujours au CPE à Cocody Cité des Arts. Premier service à 16h, deuxième à 18h. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.